Grosse nouvelle hier soir qui est tombée dans la capitale fédérale. Le propriétaire des sénateurs, Eugene Melnyk, est décédé. Je ne savais même pas qu'il était malade. Et pour en parler, ben, on rejoint le descripteur radiophonique des sénateurs d'Ottawa, le Martin McGuire. Je l'appelle des sénateurs Nicolas Saint-Pierre. Salut Nicolas. Salut Danny. Nicolas, est-ce que c'est inconnu? Moi, c'est la première fois que je l'entends. Moi, j'entendais parler qu'il était. Je ne savais même pas qu'il était malade, premièrement. Ben, on doit rappeler qu'en 2015, il avait subi une intervention majeure, là, une transplantation du foie. Donc, depuis ce Ouais. temps-là, évidemment, là, son état de santé, sans dire qu'il était précaire, avait récupéré et avait trouvé une certaine normalité. On s'entend qu'une transplantation comme ça, il y a toujours des complications, puis des tonnes et des tonnes de pilules à prendre, mais on semblait voir M. Melnyk là, poursuivre son train-train quotidien. Alors, c'est sûr qu'une nouvelle comme celle-là a pris tout le monde par surprise, moi le premier. On ne s'y attendait vraiment pas. Mais après avoir parlé avec un collègue là, il y a de ça quelques instants, il nous avait dit que il y a de ça quelques semaines, quelques mois, avait eu une rencontre avec M. Melnyk, puis il nous disait que son état, effectivement, semblait s'être détérioré, avait perdu beaucoup de poids. Je ne connais pas la nature de son Ouais. mal, mais on doit quand même admettre que, en Est-ce tout qu'il cas, était encore dans l'entourage des sénateurs? Est-ce que tu le voyais du non, tour, le aucunement. Ben, centre Corinne, là, on mais. s'était fait un peu Ouais. à l'idée avec le protocole et avec la COVID, tout ça. C'est sûr que Ouais. la distanciation s'est faite naturellement. Mais c'est un bonhomme qu'on voyait là, à récurrence dans l'amphithéâtre, ça, pour un match ou quelque temps. On sait tous qu'il avait pignon sur rue là, au Barbade. Alors, pour lui, venait quelquefois pour régler quelques problèmes, évidemment, voir quelques matchs et avoir le tout, le pouls de sa formation. Mais c'était pas un gars qu'on voyait quotidiennement là, au sein de la formation. OK. Qu'est-ce qu'il va avoir laissé au sénateur? Parce que c'est Eugene Melnyk, c'est un petit peu. Je le compare un peu à Harold Ballard. Tu sais, est-ce que c'est une. Non, je ne veux pas parler d'Harold. Je ne veux pas faire le Ouais, comparatif avec M. ouais. Ballard parce que Ballard était, écoutez, ce qu'on peut déduire du monsieur et d'après ce qu'on en parle, je ne veux pas Ouais. mettre un qualificatif, là, mais ça semblait être dans la catégorie des tyrans. Alors que, et pardonnez-moi, je ne veux pas parler quand même en mal d'un Ouais. monsieur qui n'est plus sur cette terre, mais M. Melnyk était un homme ou un personnage polarisateur. Ouais. Qui n'avait pas la langue dans sa poche, qui a pris des décisions qui n'étaient pas nécessairement les plus populaires. Mais initialement, ce que tu me poses, qu'est-ce qu'on va retenir de M. Melnyk? Je vais retenir d'un monsieur qui a sauvé la concession des sénateurs en 2003, est arrivé, puis a mis la main dans ses poches, a investi. Il y en a qui vont dire, oui, mais ils l'ont eu pour une bouchée de pain. 130 millions de dollars, l'amphithéâtre et le Ouais. building. Ben, il a fait fluctuer les choses, puis à cause de lui, on a toujours un club en Ligue nationale de hockey ici à Ottawa. Alors, c'est ça qu'il faut garder en tête. C'est sûr que il y a aussi d'autres étapes qui viennent, la finale, la Coupe Stanley, Ouais. quelques années après qu'il ait pris possession du club. En Le 2007. démantèlement, la reconstruction, les déclarations disant que si ça ne fonctionnerait pas, elle a peut-être déménagé, la guerre de clochers, la guerre intestine avec un autre propriétaire, un autre promoteur pour le nouveau building sur les plaines de Breton. Il y a eu plein de tergiversations, plein de tourmentes dans son règne, mais initialement, gardons en tête que n'eût été justement de la passion de M. Melnyk, ben, Ottawa n'aurait pas de club Ligue nationale de hockey. Et s'il y a un mot qu'on doit retenir de M. Melnyk, c'est bien ça, passion. Parce que peu importe combien d'argent tu vaux, tu ne te Ben lances pas dans le sport professionnel sans avoir cette passion-là. Alors, je pense que même si les gestes ou les décisions qui ont été prises ne furent pas toujours populaires, reste qu'il a fait ça avec passion. ouais. J'aime pas parler de ça ce matin. J'en ai même fait un commentaire sur les médias sociaux. Je trouve ça un peu malaisant de les gens qui parlent déjà de l'avenir des sénateurs. Même quand le corps est même pas, est encore chaud, je trouve ça triste. Je trouve ça malade. Ça là, tu me dis à matin avant d'entrer en onde, tu peux m'apposer parce que plusieurs en parlent déjà. Donc, quel est l'avenir des sénateurs sans Eugene Melnyk? Moi, je dis que ça ne veut pas Monsieur, nécessairement dire. Ouais. ben, j'allais dire, M. Melnyk a manifesté à maintes reprises qu'il voulait et qu'il tenait à ce que le club demeure Ouais. propriété dans sa famille. Il avait même dit qu'une de ses filles, il en a deux, voulait éventuellement prendre les rênes de cette formation-là. Et ben, a priori, je te dirais que le plan demeure le même. Qu'est-ce qui a été établi dans la passation des pouvoirs? Parce que j'imagine que Le M. Melnyk est testament. un monsieur minutieux, effectivement, tabler là-dessus. Alors, les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois, nous confirmerons à savoir que réserve l'avenir des sénateurs au niveau du propriétaire, mais je suis convaincu qu'il y a déjà des personnes en place qui sont prêtes justement à assurer cette transition-là en attendant d'avoir justement la déclaration. Il n'y avait pas un groupe formé de Daniel Alfredson qui était à la tête également, qui voulait acheter les sénateurs maintenant? On a relaté encore une fois à quelques reprises qu'il y avait effectivement un groupe qui était chapeauté par d'anciens joueurs, dont Daniel Alfredson, qui serait intéressé. Mais ça a toujours été ça, seulement des spéculations. Ouais. Ce qu'on disait à travers les branches, c'est que le prix demandé pour M. Mernick pour vendre la formation était vraiment au-dessus de la valeur qu'on attachait à ce club-là. Alors, comme on dit, tout est à vendre, mais il s'agit que le prix soit le bon. Alors, M. Mernick, a priori, voulait garder ce club-là et voulait le passer à sa famille. Et on verra effectivement si, un, les membres de la famille actuelle vont vouloir poursuivre l'aventure ouais. ou on pourrait passer à d'autres choses. C'est là que ça pourrait provoquer. Quelle est la réaction des gens à Ottawa, des fans sur les lignes ouvertes? C'est sûr que la nouvelle est encore très fraîche. C'est à même pas 12 heures, la nouvelle. Sur les médias sociaux, sur les lignes ouvertes, dans les journaux ce matin, je pense que les gens ont bel et bien là, enterré la hache de guerre, puis ça serait vraiment là, tordu, malaisant, tordu, appelle ça comme tu veux, de vouloir s'acharner sur un monsieur qui n'est plus de cette terre-là. J'espère que ceux et celles qui ont décrié justement le message et qui faisaient partie de ce mouvement Mernick Out vont se garder une petite gêne. Ben ouais. Puis on ne jouera pas dans l'hypocrisie. Puis c'est ça que j'ai un petit problème avec ça, c'est quand je vois des gens, et j'en ai identifié quelques-uns qui étaient les premiers à « rah, rah, rah, Mernick out », puis là maintenant, ben reposer en paix, puis M. Mernick ça. Alors, écoutez, c'est le lot et la réalité des médias sociaux, pas populaire dans mon cas, puis bien content par là de ça. Mais je pense que le narratif de cette mort-là va demeurer qu'il faut rendre hommage au monsieur, grandement mérité. Je le dis, je le répète, il a sauvé cette concession-là. Puis même s'il a eu à plusieurs reprises des commentaires qui n'ont pas fait l'unanimité, des gestes qu'il a posés, qui en ont graffiné quelques-uns, il a sauvé le club. Il a sauvé le club. C'est clair. Ce qu'on en dit, ce qu'on veut, c'est lui qui signait les chèques en dernier. Que ceux et celles qui veulent se lancer là-dedans puis qui veulent peut-être justement s'embarquer financièrement puissent se manifester pour l'instant. Mais reste que quand c'est lui qui signe les chèques, même si les décisions ne sont pas les plus populaires, c'est à lui qui revient le dernier mot. Hey, en terminant, je veux parler de hockey. À Montréal, on est content que Jordan Harris ait signé. Mais à Ottawa, vous avez signé le fils de Jeff Sanderson, Jake Sanderson. Oui. Je sais qu'il était un très, très haut choix repêchage. Est-ce qu'il a connu vraiment... Est-ce que dans l'NCAA, il s'est développé comme on l'anticipait? Écoutez, dans le cas de Sanderson, une majorité d'observateurs disent que de tous les joueurs n'appartenant pas à la Ligue nationale de hockey, c'est lui qui cogne le plus, qui est le plus près. Le meilleur défenseur n'étant pas dans la Ligue nationale de hockey, c'était Jake Sanderson. Il a connu une fin de saison un peu houleuse avec sa blessure, n'a pas blessure à la main en ce moment, continue toujours sa réhabilitation. Avec cette signature-là, on nous a dit qu'on souhaitait le voir disputer quelques matchs d'ici la fin du calendrier avec le gros club, à savoir si ça va se concrétiser. Écoutez, c'est un vœu pieux pour l'instant, mais le potentiel est là. Jake Sanderson, qui a été certainement là, une très bonne acquisition sur papier, un très bon choix pour les Sénateurs. Reste à savoir maintenant s'il sera capable de copier ce qu'il a bien fait dans la NCAA avec ses deux années avec North Dakota. Avec le Grand Club, il y a une grosse marche à suivre, une grosse marche à monter. Puis d'ailleurs, DJ Smith lui-même l'a dit, il faut se garder du temps avec ce dernier. Il faut faire certain qu'on ne le brûle pas. Et pour l'instant, ben, gardons ça en tête. Un futur membre du top 4, certainement à la ligne bleue. Avec Chabot, ça va être la question. Avec Chabot, ça va être beau. À la gauche, ça va être super beau. Puis à la droite, ben, attendons de voir si Harmonic qui a été acquis là, dans ouais, la période. Oui, c'est ça. Ça, ça va être capable de joindre. Travis Harmonic, j'écoutais les gens qui disaient qu'ils ne comprenaient pas cette décision-là. C'est un gars, semble-t-il, que dans le vestiaire, c'est pas terrible. Est-ce que, comment tu justifies cette transaction-là? Je justifie cette transaction-là de la même façon qu'on justifie les autres transactions qui ont été effectuées. Ça prenait un gars qui allait avoir un effet stabilisateur à la ligne bleue. Okay. On s'entend qu'avec Michael Delzotto, qui avait été acquis l'été dernier, ça n'a pas fonctionné. On a gagné le club, d'ailleurs, pour se joindre au top 6 pour terminer la saison. Mais dans le cas d'Harmonic, ça prend de l'expérience, ça prend un vétéran pouvant justement aider cette jeune brigade défensive-là. Il y en aura plusieurs. Puis, comme on l'a dit initialement, donnons la chance au coureur, à savoir s'il n'était pas un joueur très populaire dans son vestiaire. Je vous rappelle que Jack Capuano, qui est l'entraîneur des défenseurs ici à Ottawa, a été l'entraîneur-chef avec les Islanders. Il a fait partie de son groupe de leaders. Et faut quand même reconnaître que si on appose une lettre sur un chandail, c'est parce qu'à un moment donné, un gars fait le travail. Alors, reconnaissons l'aspect humain du bonhomme, très près de sa famille, très important, priorité numéro un. D'ailleurs, a quitté son ancien club, les Canucks, pour rester avec sa famille pendant le protocole et tout ça. Bref, il y a des décisions personnelles, familiales qui ont été prises. De là à dire que Harmonic n'est pas un joueur populaire dans son club, à moins de me tromper, là, je pense que tout le monde avait des sourires sur la glace hier quand on l'a vu à l'entraînement. Alors, donnons la chance au coureur. Voyons s'il est capable d'être un membre actif et surtout un membre à part entière du top 4 à la ligne bleue. Et on verra pour la fin du calendrier si effectivement il peut répondre à ces questions. Nicolas Saint-Pierre, gros merci, au plaisir de se parler. Plaisir. Le descripteur radiophonique des sénateurs d'Ottawa, Nicolas Saint-Pierre.